et sage, Palestine. Pris dans la folie guerrière, ils ont volé mon enfance. J'ai perdu mon père et ma mère. Mais pourquoi tant de souffrance? Je t'en prie, Allah, dis-moi, mais où s'arrêteront-ils pour nous empêcher de vivre ici, chez nous, en Palestine? Je ne vois que ce mur, créé pour nous étouffer. Je vis dans la terreur qu'ils nous ont imposée. J'ai peur de tous ces militaires, présents partout dans la ville, qui font résonner le bruit des balles et déchirent nos familles. Entends-tu mon message? Prie pour que l'on puisse vivre en Palestine, enfin libre. Je rêve de cette image où l'on voit mon peuple vivre dans une Palestine, enfin libre. Pour moi, grandir ici est une bataille au quotidien. J'aurais voulu naître ailleurs, mais tel est mon destin. Je prie chaque jour pour que la paix nous envahisse, pour que mon peuple soit libre et que s'arrête notre supplice. Mais la haine qui m'entoure aura-t-elle raison de mes prières? Chez moi la colère est déjà grande, elle se ressent dans chaque pierre que je balance sur les jeeps ou sur les chars de l'ennemi. Et oui, face à l'armée, la vengeance domine mon esprit. Entends-tu mon message? Prie pour que l'on puisse vivre en Palestine, enfin libre. Je rêve de cette image où l'on voit mon peuple vivre dans une Palestine, enfin libre. Et de l'autre côté du mur, il est possible qu'un enfant pleure la mort d'un proche victime d'un tir de roquette destructeur. La peine est immense pour nous, enfants du conflit. La guerre nous a privés de l'insouciance dans laquelle vous avez grandi. Chez vous, là-bas en France, vous semblez ignorer ce qui se passe. Vous profitez de l'enfance pendant que l'on vit sous la menace. Des balles et des bombes qui font des victimes tous les jours. Peuple d'Occident, ouvre les yeux, je lance un appel au secours. Entends-tu mon message? Prie pour que l'on puisse vivre en Palestine, enfin libre. Je rêve de cette image où l'on voit mon peuple vivre dans une Palestine, enfin libre. Entends-tu mon message? Prie pour que l'on puisse vivre en Palestine, enfin libre. Je rêve de cette image où l'on voit mon peuple vivre dans une Palestine, enfin libre.